La contrainte signifie forcer quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas. Voir dans Fath al-Bari, volume 12, page 311. La contrainte n'est prise en considération que sous quatre conditions. 1. Que le contraignant soit capable d'exécuter sa menace et que la victime soit incapable de se défendre, même en fuyant. 2. Il faut que la victime soit au moins pratiquement sûre que le contraignant va exécuter sa menace s'il refuse. 3. Que la menace soit imminente. S'il dit « Si tu ne fais pas ce que je te demande, je te frapperai demain », ce n'est pas une contrainte, excepté si l'ultimatum est d'une durée très courte ou qu'on est sûr que la personne tiendra sa promesse. 4. Que la victime ne laisse rien paraître qui montrerait qu'il le fait volontairement, voir dans Fath al-Bari, volume 12, page 311. Quant à la menace qui est considérée comme une contrainte, Ibn Hajar a dit « Il y a divergence quant à ce qui fait objet de menace, et tous les savants sont d'accord en ce qui concerne la mort, l'amputation des membres, les coups sévères et l'emprisonnement de longue durée. Mais ils divergent pour ce qui est des coups légers et de la petite peine de prison, comme un ou deux jours. » Fin de citation. Et il dit également, il y a divergence quant à la limite de la contrainte. Abd ibn Hamid, d'une chaîne de transmetteurs authentiques, d'après Omar, qui dit « Une personne n'est pas responsable de lui lorsqu'il est emprisonné, enchaîné ou ligoté. » Voir Fath al-Bari, volume 12, 312 à 314. La contrainte est donc de deux types. La contrainte complète, c'est la menace de mort, de torture, d'amputation, etc. La contrainte faible, c'est la prison, l'enchaînement, les coups, etc. Et la majorité des savants considèrent que la contrainte permettant de commettre de la mécréance est la contrainte complète. C'est l'avis des Hanafites, Malikites et Hanbalites. Quant à l'imam Shafi'i, il était d'avis que la prison est une contrainte permettant de faire semblant d'apostasier. L'avis des Hanafites se trouve dans Bada'i Sani'a 9, 4493. Celui des Malikites est dans le Sharh al-Sarir, volume 2, 548-549. Celui des Hanbalites dans Al-Mourni. Et l'avis de l'imam Shafi'i dans Al-Majmou'a. Mais tous sont d'accord pour dire que celui qui est contraint d'apostasier, mais préfère mourir que d'apostasier, a plus de mérite. Et l'imam Qurtubi rapporte l'unanimité sur ce point dans son tafsir du volume 10, page 188. Quant à l'avis correct sur cette divergence, Ibn Taymiyyah a choisi l'avis des Hanbalites et dit « J'ai examiné les différentes doctrines et j'ai trouvé que la contrainte est différente en fonction de la victime et que la contrainte sur la mécréance n'est pas la même que la contrainte sur ou quelque chose comme ça. » L'imam Ahmed et d'autres ont textuellement dit que la contrainte pour la mécréance n'est prise en considération que si c'est de la torture, mais que la simple parole n'est pas une contrainte. Et l'argument de la majorité est la cause de la révélation du verset lorsque Ammar ibn Yasar ne prononça pas de mécréance jusqu'à ce qu'il fût torturé par les idolâtres. Et ceci est la cause célèbre de la révélation du verset 106 de la sourate Les Abeilles. Et l'imam al-Bukhari rapporte dans son sahih, dans le chapitre « Celui qui préfère être tué que de redevenir mécréant » dans le livre de la contrainte. Trois hadiths. Le premier, celui de Anas, parmi les douceurs de la foi, détester revenir à la mécréance comme on déteste être jeté au feu. Et ceci nous montre qu'être jeté au feu est une manière d'indiquer la destruction et la perdition, et qu'il n'est donc pas permis de mécroire, sauf lorsqu'on craint la perdition. Et ceci est l'avis de la majorité. Le deuxième hadith, celui de Saïd ibn Zayd, qui rapporte qu'avant que Omar ibn al-Khattab ne se convertisse à l'islam, il l'avait enchaîné pour qu'il apostasie, et il ne lui fut pas permis d'apostasier. Et ceci réfute l'avis de Ash-Shafi'i. Et voir les hadiths numéro 6041, 6042 et 6043.